Oui, allô? Alors, j'espère qu'elle est là, Martine. Pareil qu'elle dormait. Non. J'espère qu'elle est là. C'est qui, Allô? là, l'appareil? Allô? C'est Didier? Oui, bonsoir, c'est aussi Didier, Didier, Didier. Ça va? Ah, bah ça y est, ça marche enfin, Martine. Ah ben, heureusement que ça marche, parce que, dis donc, j'en avais marre, Ah, bah moi. attends, tout à l'heure, vos enfants, ils nous ont pris pour des cons, hein. Ah, ils nous ont fait tourner en bourrique, hein. Ah oui, alors là, j'étais à 5 minutes de craquer, Ah moi. bah, écoutez, bon, comment ça va? Non, ça va très bien, mais il paraît que vous allez à Caen demain. Oui. Alors, vous venez pas, Ah alors. bah, moi, j'ai prévenu vos enfants, hein. C'est eux qui vous ont pas prévenu, je suis désolé, hein. Moi, j'ai une soirée à Caen. Non, ils m'ont pas prévenu, hein. Pourtant, je leur ai dit, ils m'ont dit qu'ils vous l'avaient dit. Non. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Eh oui. C'est la vie. Hein? La vie. Bah, vous ferez les langues de bœuf pour vos enfants? Oui, mais j'avais prévu pour vous, moi. Bon, Oui, ben. Didier. tout à fait, oui. Bon, en tout cas, on essaiera de venir peut-être le week-end prochain. Oh, c'est gentil! Bah, écoutez, ça me fait plaisir. C'est n'importe quoi ce qu'on entend là, hein, Ça me fait plaisir, à en tout cas. côté. Hein. D'accord. Comment on fait alors? Ben, écoutez, bon, comme vous ne pouvez pas venir ce week-end, oh non! On verra pour une prochaine fois. Oh non! Pourquoi? Qu'est-ce que vous me dites là? J'ai dit, si vous pouvez pas venir ce week-end, on verra pour une prochaine fois. Je comprends rien de ce qu'elle dit à la bu ou quoi? Non mais, hein, qu'est-ce que vous avez dit là? Je dis, non mais j'ai rien dit moi, c'est pas moi, c'est votre fils. Allô? Bon, écoutez, le mieux, ce serait que vous me rappeliez une prochaine fois, lundi peut-être. Parce que là, c'est pas possible, vos enfants, ils font n'importe quoi là. Cette conne. Allô? Allô? Oui. Ah, excusez-moi, quelqu'un a parlé à ma place. Qui c'est qui parle à ma place? Bah, je sais pas, mais j'aime pas tellement ce Bah, on qu'on a est deux. dit, hein. Non, mais c'est votre fils qui s'amuse là. C'est encore Gérard. Il est où, Gérard? Dans sa chambre. Eh ben voilà. Eh ben d'accord, ok, je sais. D'accord, il m'a dit. Je vais m'enfermer dans ma chambre, je vais vous faire chier avec toi et ma mère. Allez le voir, allez le voir! Non, non, non, non, je préfère. Bon, je préfère qu'on ait une discussion plutôt la semaine prochaine. On s'appelle lundi? Oh non! D'accord, lundi. Bah, pourquoi non? Lundi, Oh d'accord. Bon, bah, je vous non! souhaite un bon week-end. Bah, je vous appelle lundi? D'accord. Oh non! Bon Bah, alors quand? week-end. Mardi, alors? Lundi. Mais qui c'est qui dit non à ma place? Attendez, je vous appelle... excusez-moi, je vous appelle mardi? Oh non! Bah, alors, vous voulez que je vous appelle quand, alors? J'en sais rien, moi. Mais c'est pas vrai, qui c'est qui part à ma place? On s'appelle quand? Dans la semaine, alors? Et dans la semaine, si vous voulez. Quoi? Dans la semaine... Mais elle est bouchée ou quoi? Hein? Je vous appelle dans la semaine! D'accord. Quoi? Dans la semaine! Oh là là là là, elle est bouchée, elle, hein. Bon, Martine! Oui. Oh là là, qu'est-ce qu'elle fout? Non, mais qui c'est qui parle à ma place? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Toi, c'est quoi ce truc-là? Il y a Allô? quelqu'un qui parle à ma place. Est-ce que vous pouvez répéter la question? J'ai pas posé de question, mais elle est bourrée ou quoi? C'est pas vrai, quoi. Allô? Oh non, Gérard! Eh ouais, c'est Gérard encore, à tous les coups! C'est un petit con, toi, hein? Bon, écoutez, je vais vous laisser parce que j'en peux plus. Hein. Ah non, mais là, moi, je suis en train de craquer. Qu'est-ce qui se passe, Martine, chez vous? Mais rien, en plus. Punaise! Oh non, c'est pas vrai. Mais qui c'est qui parle à ma place? Ça, c'est votre voix, on est bien d'accord? Non, non. Ah si! Non. Oh non! Mais c'est qui ça? C'est vous là qui parlez? Pourquoi vous me dites bah non? Mais je vous ai pas dit non! Je Non suis mais en train de vous attendez. parler là! Attendez, Martine, si c'est bien vous, vous savez ce que vous devez prendre. Vous devez prendre un. Joker. Voilà, exactement. Oh là là. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre. Joker. C'est pas vrai, mais. Qui c'est qui se moque de moi? J'en ai marre, c'est son fils Gérard. En plus, il nous a coupé la communication, je n'entends plus. Allô? Bon, écoutez, on se rappelle la semaine prochaine? Ben, je vous appelle lundi. D'accord. Oh non! Ben alors mardi. Oh non! Lundi! Oh non! Ben alors mercredi, je vous appelle. Oh, elle le fait exprès, regarde, elle rigole. Tu vois, elle se moque de moi, quoi. Laisse tomber. Laisse tomber. Non, mais Il y a quelqu'un qui parle à ma place, alors... Bon, on s'appelle quand ? Lundi. On s'appelle lundi. D'accord. Bon, bah faites-moi un bisou. Bisous. Allez, bisous. Et bon week-end. Bon week-end à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.